quatre césarines. Maurice, chagrin d'avoir échoué dans ses deux premières épreuves, était bien prêt de se laisser aller au découragement. Madame Génevray le prévint que son intention était d'aller passer à la campagne une partie de la belle saison avec Blanche. Il l'invita à les y accompagner. Il accepta, dans l'espoir que l'air des champs, la lecture, la promenade distrairaient son esprit des fâcheuses impressions qui venaient de l'attrister à Paris. La propriété de Madame Génevray était située à quelque distance de Château-Thierry, dans une ravissante vallée au milieu de laquelle serpentait la Marne. Maurice, ardent à tout ce qu'il faisait, se mit à explorer, dès son arrivée, les diverses promenades de ce pays si riche en sites pittoresques. Dans une de ses excursions, il s'était arrêté sur la lisière d'un petit bois qui longeait la Marne. Après avoir attaché son cheval à un arbre, il avait gagné le bord de la rive et s'y était étendu sur l'herbe, rêvant toujours au moyen de trouver la femme exceptionnelle qui devait enfin lui apporter le bonheur. De l'endroit où était Maurice, un petit chemin courait en ligne droite se perdre au milieu des bois. Tout à coup, dans un assez grand éloignement, s'élève un nuage de poussière qui suit le chemin et se rapproche de la rivière avec une étonnante rapidité. Bientôt Maurice distingue un cheval monté par une femme, qu'il reconnaît à son amazone et à la plume qui flotte sur son chapeau. Le cheval, emporté par un galop furieux, paraît ne plus obéir à la main qui le guide. Il dévore l'espace, il enveloppe Maurice dans un tourbillon que soulèvent ses pieds. Il atteint l'extrême bord du rivage, il va s'y lancer. Maurice ne voit que le péril de l'écuyère. Au risque d'être renversé et précipité dans la Marne, il se jette d'un bond à la tête du cheval, qui s'arrête aussitôt comme par enchantement. L'inconnu, au même instant, saute à terre avec la légèreté d'une sylphide, et part d'un éclat de rire que ne semble point comporter la gravité de la situation. Maurice, encore tout ému, regarde avec un air de stupéfaction indicible et l'écuyère qui redouble d'hilarité, et le cheval devenu subitement aussi paisible qu'un agneau. L'animal paraît également trouver cette hilarité fort intempestive. Il frotte à plusieurs reprises et avec une certaine impatience sa tête contre le bras de sa maîtresse. « c'est bien, Mogador, lui dit-elle en le flattant de la main. Je ne t'oublie point. » Et lui donnant à broyer un morceau de sucre. « Tu devrais même avoir une récompense double, aujourd'hui, car peu s'en est fallu que monsieur, en t'effrayant, ne nous ait réellement fait sauter tous deux dans la rivière. « Quoi, madame ? Eh, mon Dieu, oui, monsieur. » Ce galop brusquement arrêté au bord d'un précipice quelconque est un exercice journalier, un jeu favori pour moi, qui l'amuse, et pour Mogador, dont la gourmandise y trouve son compte, ainsi que vous venez de le voir. Après cette explication, madame, dit Maurice en s'inclinant cérémonieusement et d'un ton légèrement piqué, il ne me reste qu'à vous prier d'excuser mon importune et maladroite intervention. Non seulement je l'excuse, mais encore il faut bien que je vous en remercie. Car enfin, ajoute-t-elle en lui tendant la main d'une façon toute cavalière, vous êtes mon sauveur d'intention, si vous ne l'êtes pas de fait, et vous avez à ma reconnaissance des droits très positifs. Cette bête est à vous ? Elle désigne le cheval de Maurice. Sur la réponse affirmative du jeune homme, elle reprend. Joli petit animal, vous vous nommez ? Maurice Génévray. Ah, vous êtes fils ou neveu de Madame Génévray, dont la propriété est voisine de celle de Monsieur de Rochebrune ? Je suis son fils, et moi je suis la fille de Monsieur de Rochebrune. Mon nom est Césarine. J'estime par-dessus toute chose le courage et l'adresse. Il me serait difficile de vous contester l'une ou l'autre de ces qualités. Si donc cela peut vous être agréable, remettons-nous en selle et poursuivons notre promenade. Césarine avait une taille un peu au-dessus de la moyenne, de grands yeux noirs surmontés de sourcils aussi réguliers que s'ils avaient été tracés avec le pinceau, et des lèvres d'un vif incarnat qu'ombrageaient un soyeux duvet d'une nuance presque brune. Ses traits, un peu accentués, révélaient un caractère hardi et dominateur. Il y avait dans l'expression de sa physionomie une puissance de fascination à laquelle il était difficile de résister. Maurice accepte avec joie l'invitation de Césarine. Pendant la promenade, qui se prolonge près d'une heure, il ne cesse d'admirer la grâce, l'aisance, la dextérité de l'intrépide écuyère. Il se pique d'émulation. Il veut prouver qu'il n'est pas tout à fait indigne de figurer à côté d'elle. Mais le succès ne couronne pas toujours ses efforts. Au lieu de savourer les éloges enthousiastes dont il a bercé son amour-propre, il est réduit à se contenter de ces simples paroles d'encouragement qu'accompagne un sourire à la fois bienveillant et protecteur. Avec un peu d'étude et de pratique, vous pourrez, monsieur Génevray, devenir un très agréable cavalier. En prenant congé de Césarine, Maurice demanda permission de se présenter chez monsieur de Rochebrune. Je ne doute point, répondit-elle, que mon père ne partage le plaisir que j'aurai à vous conter au nombre de nos amis. Le ravissement que causa cette réponse à Maurice le jeta pour le reste de la journée dans une gaieté folle qui surprit agréablement Madame Génévray et donna beaucoup à penser à Blanche. Voilà, disait-il dans les transports de son admiration, voilà une femme véritablement supérieure et dont l'amour suffirait à satisfaire l'orgueil le plus exigeant. L'impatience de Maurice le conduisit dès le jour suivant chez Monsieur de Rochebrune. Encouragé par un accueil des plus bienveillants, il y retourna plusieurs fois dans la même semaine. Il rapprocha même bientôt ses visites à tel point qu'il se serait regardé comme étant en faute s'il avait omis un seul jour de s'y présenter. Cette assiduité ne parut point déplaire à Césarine. Elle admit Maurice à ses promenades. Elle l'invita à partager ses autres exercices. Césarine avait joint à l'étude approfondie de l'équitation celle d'une foule d'autres talents, dans lesquels elle faisait preuve d'une supériorité non moins incontestable. Une rame à chaque main, elle faisait glisser un canot sur la Marne, avec la légèreté et la rapidité de l'hirondelle. Le plus habile des canotiers parisiens eût baissé pavillon devant elle. Maurice était d'une certaine force au billard. Il voulut essayer de lutter contre Césarine. Elle lui rendit 5 points et le battit. Il ne fut pas plus heureux, le fleuret à la main. Elle le toucha 3 fois en 10 minutes. Un jour, il s'arma d'un pistolet, tira 20 coups, et à 25 pas fit voler en éclats 15 poupées. Césarine en brisa 15 comme lui, mais son pistolet ne partit que 15 fois. Maurice voulut s'opiniâtrer dans la lutte. Tout le temps qu'il ne consacrait point à Césarine, il l'employait à étudier à fond la manœuvre d'un canot, à disposer des billes de manière à en tirer des effets imprévus, à pousser au mur des bottes incroyables. Inutiles efforts. Il arrivait bien de temps à autre que Césarine lui dit « Vous faites des progrès, monsieur Génévray. » Mais c'était toujours après l'avoir battu. Maurice eut pris en haine un homme qui lui eût fait subir ainsi défaite sur défaite. Il se sentait, au contraire, attiré chaque jour davantage vers Césarine. Il ne se contentait pas d'admirer, il adorait sa supériorité. S'il avait pu cesser de lui être inférieur, il en aurait certainement été désespéré. Cependant, il n'avait pas encore osé hasarder un aveu. Il comprenait qu'avec une pareille femme, c'était s'exposer à une humiliation que de procéder par les voies ordinaires. Il attendait donc une occasion favorable et une heureuse inspiration. Lorsqu'une circonstance qu'il n'avait point prévue vint, en éveillant sa jalousie, le décider à provoquer un prompt dénouement, fût-ce par la plus classique des déclarations. Il se trouva un matin à son entrée dans le salon de M. de Rochebrune en face d'un jeune homme de très bonne mine, qui paraissait être aussi à son aise que s'il avait été chez lui. Ce jeune homme s'appelait Horace de Villecreuse. Il était neveu de M. de Rochebrune. Il annonçait l'intention de rester au château jusqu'au retour de son oncle à Paris, et il se proposait d'être l'infatigable second de sa cousine dans ses aventureuses excursions. « Vous me permettrez de ne vous admettre qu'entière, mon cher Horace, » avait dit Césarine, en présentant l'un à l'autre Villecreuse et Génévray. Tout aimable que fût pour lui cette restriction de Mademoiselle de Rochebrune, Maurice n'en conçut pas moins de très vives alarmes. L'amicale familiarité qui s'établit entre Horace et Césarine ne tarda point à mettre le comble à son inquiétude. Une crainte surtout le dominait. C'était d'être éclipsé par un homme dont la réputation était venue jusqu'à lui et qui était en très haute estime auprès de la jeunesse excentrique. Il s'arma de courage, pria Césarine de lui accorder un entretien particulier et s'expliqua le plus brièvement possible afin d'éviter les lieux communs. Elle lui répondit « Vous vous êtes laissé prévenir, monsieur Génévray. Horace m'a fait hier une déclaration du même genre et à peu près dans les mêmes termes. » Le front de Maurice se rembrunit. Césarine continua. « Voilà ma réponse à monsieur de Villecreuse. Mon cher cousin, le mariage a pour but de donner à une femme un maître et un protecteur. Je pense vous avoir prouvé suffisamment que je n'ai pas besoin d'être protégé, et mon caractère doit vous être assez connu pour que vous ne me supposiez point l'intention de prendre un maître. Je vous refuse donc pour époux. Je vous garde comme ami. » Ces paroles diminuèrent les craintes de Maurice, mais elles n'étaient pas de nature à augmenter ses espérances. « Et, demanda-t-il en hésitant, les motifs de ce refus étaient-ils sérieux ?»« Si sérieux que je les ai reproduits textuellement à votre intention. Mais ajoute, ainsi que je l'ai fait pour mon cousin, mon amour jamais, mon amitié toujours. » Le lendemain, Césarine, dont le visage était plus sérieux que de coutume, proposa une promenade à cheval. Horace et Maurice acceptèrent. Ils avaient un air chagrin, qui s'accordait merveilleusement avec la physionomie de Mademoiselle de Rochebrune. À peine avaient-ils mis entre eux et le château quelques centaines de pas, que Césarine prit la parole. « Messieurs, j'ai décliné l'honneur d'être votre femme. Je me vois forcé de revenir aujourd'hui sur cette détermination. » Les yeux de Maurice et d'Horace s'illuminèrent en même temps d'un rayon d'espoir. « J'ai eu ce matin, poursuivit-elle, une longue explication avec mon père. Vos vues à tous deux lui étaient connues, soit que vous lui en eussiez fait part, soit qu'il les eût devinées. Or, sachez qu'à Paris ou ici, j'ai déjà éconduit une vingtaine de prétendants avant vous, et que Monsieur de Rochebrune verrait dans le mariage de sa fille l'accomplissement de son vœu le plus cher. L'explication a donc eu, pour conclusion, l'injonction formelle de renoncer à mes projets d'indépendance, et de faire un choix entre vous, Monsieur Génevray, dont mon père estime la famille, et vous, mon cousin, sur qui il reporte l'amitié qu'il l'unissait à sa sœur. Ce choix, il m'a donné 24 heures pour le lui faire connaître. La volonté de Monsieur de Rochebrune est de celles qui font plier toutes les autres. J'ai cédé. » Ah, le digne oncle, s'écria Horace, et mille grâces à vous, Césarine, qui allez nous épargner les tortures de l'attente, en nous apprenant. Permettez, mon cher cousin, interrompit Mademoiselle de Rochebrune, il me serait difficile de vous apprendre ce que moi-même j'ignore encore. L'amour m'est inconnu, je vous l'ai dit il y a longtemps, et vous m'avez tout dernièrement fourni l'occasion de vous le répéter. Ce n'est donc point l'amour qui peut me décider, mais je connais un autre sentiment qui devrait me servir de guide dans mon choix. Ce sentiment est l'amitié. Eh bien, j'interroge vainement mon cœur et mon esprit. Vainement, j'établis un parallèle entre vous deux. Il m'est impossible de faire pencher la balance. Mon embarras est grand, vous le voyez. Il faut que j'en sorte aujourd'hui. À quel moyen recourir pour trancher une question qui doit être résolue dans un si bref délai? Je n'en vois qu'un, fit impétueusement Horace. Quand deux conquérants se disputent un empire, c'est le sort des armes qui décide, interrompit Maurice, avec non moins d'impétuosité. Un duel du sang, fi, messieurs, vous ne me faites pas, je suppose, l'injure de croire que j'ai jamais songé à cet odieux expédient. Cependant, puisqu'on exige que je me donne un maître, puisque ce maître doit être l'un de vous, puisqu'il est permis à mon orgueil de choisir du moins le plus digne de moi, une épreuve devient indispensable. Quelle qu'elle soit, je l'accepte, s'écria Maurice. Parlez, ma cousine, dit Horace, je suis prêt. Césarine réfléchit quelques instants. Puis elle promena son regard autour d'elle, y indiquant du doigt un village à l'horizon. « Vous voyez ce clocher, dit-elle, j'ignore quels obstacles nous en séparent, mais je réponds de les surmonter et d'arriver. Vous allez donc me suivre. Partout où je passerai, vous passerez. Haies, fossés, murs, rivières, tout ce que je franchirai, vous le franchirez. Ma main, celui qui atteindra le but après moi. » « le signal !» firent à la fois les deux jeunes gens. Césarine se penche sur le cou de Mogador, lui adresse quelques paroles d'encouragement en lui passant la main dans la crinière. Puis, se redressant, elle part au galop. Horace et Maurice la suivent. Les voilà tous trois lancés à fond de train. Sur cette route, ou plutôt sur cette ligne que le doigt de Césarine a indiqué au hasard, les obstacles se dressent à chaque pas. Mais ils semblent disparaître devant la résolution de l'écuyère et la légèreté du coursier. On dirait avoir tant de sang-froid, d'aisance et de grâce, en même temps que tout cela n'est que jeu d'enfant pour Mademoiselle de Rochebrune. L'admiration qu'elle inspire devient un nouvel aiguillon, qui stimule l'émulation et l'ardeur des deux cavaliers. Ils courent tête baissée, sans souci du péril, dans la voie qui leur est tracée. Ils n'ont qu'une préoccupation, celle de ne point se laisser vaincre. Déjà, la moitié de l'espace qui les sépare du but a disparu derrière eux, et il serait impossible de reconnaître à l'un le plus faible avantage sur l'autre. Tout à coup, ils ont vu Mogador faire un bond prodigieux. Césarine vient de franchir un fossé, dont l'effrayante largeur les arrête un moment. Mais furieux chacun de s'être donné devant un rival la honte d'une hésitation, ils retournent en arrière. Reviennent plus ardents que jamais, appuient les perrons au flanc de leurs chevaux et s'élancent. Un seul cavalier continue de courir à la suite de Mademoiselle de Rochebrune. L'autre est gisant sur le bord du fossé. C'est Maurice, il essaye en vain de se relever. Chaque mouvement lui cause d'atroces souffrances et il est obligé de se laisser retomber sur le sol. Dans sa chute, il s'est fracturé une jambe. Forcé d'attendre qu'on vienne le secourir, Maurice emploie à réfléchir les intervalles que veut bien lui laisser la douleur. De singulières modifications se sont opérées soudainement dans ses idées. Les choses lui apparaissent sous un autre jour. Il n'y a, dit-il en se résumant, qu'un écuyer de Franconie qui puisse oser être le mari d'une telle femme. Horace reparut au bout d'une demi-heure, tenant triomphalement la main de Césarine. Généreux, comme doit l'être un vainqueur, il se mit à la recherche de quelques paysans et les chargea de transporter Maurice, fort malade au physique, mais à peu près guéri au moral.